on s'en va du côté du monde parallèle. Jeff et ses amis. Bonjour. Yes. Il paraît que ton nouvel ami n'est pas mon ami. Un nouvel ami, mais n'est pas mon ami. On m'a dit que tu avais un nouvel ami à Montréal, un dénommé Gilles Proulx. Puis, ton nouvel ami m'a lapidé hier sur la place publique en parlant de la poursuite de Dan Bigra en disant que je devrais être fusillé. Ah, ben, coudonc, ça va te faire des trous pour respirer si tu vas cet été, là. Ça va faire de l'aération. Ça va aider ta ventilation. Ils sont drôles à Montréal, hein. Ils sont tellement accrochés sur l'idée qu'on est des campagnards incompétents et que eux, dans leur mourial de Joe connaissant, yes, ils savent tout, que des fois ils s'en fâchent comme ça. Gilles, c'est arrivé drôlement, c'est vendredi dernier, un recherchiste m'appelle en disant pouvez-vous parler, comme il m'a toujours traité de tous les noms. Je me suis dit pourquoi pas, je suis capable de me défendre, puis de toute façon, ça serait amusant que les gens aient la surprise de nous entendre parler calmement. C'est ce qui est arrivé. Là, pendant une dizaine de minutes, on a eu une conversation. OK, vous partez pas à pêche ensemble. Oui, pas non, puis on n'a pas la même brosse à dents, puis on n'élève pas les cochons ensemble, puis on n'a pas de projet commun. Là. Mais là, le côté montréalais là, de l'exagération envers ce qui se passe à Québec, puis nous ridiculiser à tout bout de champ, ça, on est même rendu là dans le cahier de la presse de samedi. Vous savez, tu sais, la page double dans la presse avec la super grille, le mot croisé. Ben oui, le mot croisé, hein, c'est la définition du mot, c'est... Il crache dans son micro à Québec. OK, et ça prend combien de lettres? Ben, ça prend le nombre de lettres qu'il y a dans mon nom de famille. Ouf! F-I-L-L-I-O-N, ça fait très bien. D'ailleurs, le F de Filion sert ensuite pour l'autre à la verticale qui est Falardeau. Puis moi, j'ai juste 6 lettres dans Arthur, hein. Non, mais c'est tellement méchant. Je t'en donne un autre exemple. Dans la presse de ce matin, un article de Maxime Bergeron en première page du Cahier des Arts. Effectivement, il y a un autre exemple. La machine à rumeurs va bon train. Et on dit, il y a un coco du Conseil de presse du Québec, Robert Maltais, qui dit qu'il y a une recrudescence des infractions en matière de violation de la non-publication depuis 2 ans, mais que ça provient surtout de certaines radios poubelles de Québec. Les délinquants sont toujours du même côté. Moi, personnellement, je peux raconter ceci. C'est que j'ai effectivement identifié la personne dont la rumeur faisait état au moment de l'arrestation de Guy Cloutier. Je l'ai nommé. Je l'ai nommé après l'avoir entendu au bulletin de nouvelles de 10h45 de Radio Média pour une conversation entre le journaliste de Radio Média et M. François Doré de la Sûreté du Québec. Et la question a été littéralement, M. Doré, est-ce que la victime, comme toute la rumeur le veut, est une telle? Et il l'a nommée. Et moi, j'ai repris cette information-là et je l'ai nommée en disant que c'est le nom qui circule sur les radios de Montréal. Puis là, c'est nous autres qui sommes censés l'avoir publié. Eux autres, ils sont pour rien. Non. Le 6-90 l'a sorti. Le 90-5 l'a sorti. Regarde, je te confirme la nouvelle. André, on était restés en ondes jusqu'à ton ouverture d'émission jusqu'à 11h30. Et on avait des téléphones qui nous confirmaient que CHRC avait déjà sorti, via le réseau de Montréal, avait sorti le nom de la victime, de la présumée victime. Donc, c'est arrivé effectivement aux alentours de 11h15, lors du bulletin de nouvelles. OK. Et quand ça arrive d'eux autres, hein, c'est comme... c'est pas pareil, c'est sans doute une erreur là qui où on savait pas qu'on n'avait pas le droit de nommer le nom immédiatement. Quelle belle merde. Quelle belle merde. Mais ça me brûle un peu le rectum parce que je trouve pas ça juste. Nous, on est des radios poubelles parce qu'on n'est pas comme eux. Comme s'ils avaient peur de nous. Regarde, personne ne leur demande de faire la radio qu'on fait. Moi, je fais avec toi une radio. On est avec le monde ordinaire en train de regarder ceux qui nous enculent. Eux, ils sont du bord de ceux qui nous enculent en train de regarder le monde ordinaire en disant... Se faire enculer. C'est ça. Puis, la réalité, c'est que eux tolèrent pas qu'on soit différents d'eux, comme si ça les menaçait de quelque chose. Personne n'est obligé de nous écouter. Et eux, ils ne sont pas obligés de faire comme nous. Mais c'est aussi légitime de faire une radio agressive et peu respectueuse des élites, tu sais. Je serais très mal dans ma peau d'être producteur ou animateur de l'émission Flash, une émission culturelle qui tout ce qui se passe, qui veut être un pendant québécois de Entertainment Tonight ou de Access Hollywood. Et lorsqu'il y arrive la plus grosse des nouvelles de l'histoire du showbiz au Québec, de ne pas en parler du tout. Je ne sais pas comment ces gens-là font pour dormir le soir. Vu que c'était une mauvaise nouvelle pour l'industrie, on a décidé de ne pas parler de la nouvelle. Et c'était surtout une mauvaise nouvelle pour TQS. qui est bien plus proche de Cloutier que TVA. Exactement. Là, je suis délégué par un comité de sportifs pour t'interroger. Ah, oui. Pardon, oui. Je suis chargé de t'interroger parce qu'il y a un mystère dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec présentement. C'est le sort de Romy et la Youbi aux mains de Richard Martel. Or, on me dit que tu es un des grands amis de Martel et que tu es un proche de Ella Youbi, et ils disent tous, s'il y a quelqu'un au monde qui sait ce qui se passe, c'est Fillon. Ça, ça va venir de Martin Paquette, ça. Entre autres. Mais je ne révélerai pas la liste, oui, de toutes les personnes qui m'ont dit, les unes après les autres, demande à Fillon, parce que si quelqu'un sait ce qui se passe, c'est lui. Je vais te dire que j'en sais plus ou moins. La raison, c'est que Richard, comme je le fais aussi avec Simon Gagné, des fois j'ai des choses à lui demander, je ne le dérange pas pendant la saison. Richard, habituellement, je le vois après sa saison, je le vois pendant l'été, on jase après, une fois que la saison est terminée, puis là, on jase de ce qui se passe. J'ai rencontré cet hiver par hasard le président des Saguenayens, mon chum Gervais Manger. Effectivement, j'ai rencontré des oncles en fin de semaine, parce que Romy est de la famille. Romy, c'est le fils de Marie Fillon. Marie, c'est ma cousine, donc c'est près de moi, là. Même s'il y a un nom, Ella Youbi, j'arrête pas de dire à son père que les mains qu'il a au hockey, ça vient pas de lui, ça vient des Fillons. Et si, de toute façon, tu t'appelais Ella Youbi, au moins, tu seras pas dans le mot croisé de la presse. C'est ça, t'as trop long. J'ai posé la question en fin de semaine. C'est une famille spéciale, la famille à Marie, puis les jeunes. Ces deux jeunes qui, je sais pas si l'envie de jouer au hockey toute leur vie, c'est vraiment ancré en dedans d'eux. Quand j'ai su ce matin qu'il avait voulu faire son examen, c'est exactement comment ils sont. Son frère était plus gros que lui et aussi talentueux au hockey. Et a décidé de quitter le hockey pour se consacrer à l'étude, c'est-à-dire qu'il veut devenir médecin. C'est des gens qui sont, ils sont comme ça. Ça semble une passion, le hockey, mais parmi plusieurs autres choses. Et plus ils se rendent compte que peut-être que c'est pas ça qu'ils veulent faire nécessairement. Donc, quand il y a des joueurs qui l'ont vu jouer, Romy, c'est pas un gars qui s'implique pas assez. Il a tendance peut-être à tricher une petite affaire. Il va peut-être jouer juste dans un sens de patinoire. Ça vient peut-être des Fillons. Il a toujours été le meilleur aussi, Jeff. Il a toujours été le meilleur où il est passé. Je suis le premier surpris. J'ai posé des questions en fin de semaine. Chacun a sa réponse. Il est boudé. Il est plus motivé. Ou tout simplement, il a décidé qu'il était plus calé. Puis ça lui tente plus de jouer. Et c'est dommage, comme tu me le décris, de voir qu'il est déjà trop tard pour les universités américaines. Il est allé dans les juniors. Ah oui, je sais. Il est brûlé pour le restant de ses jours du hockey universitaire américain. Avec le talent qu'il a, ce gars-là, s'il a une tête. Avec la tête, ses épaules qu'il a, comment il aime les études, avec le hockey qu'il joue, il aurait été effectivement mieux. Mais ça, c'est des choses en famille que tu veux pas entrer. Tu veux pas commencer à discuter. Moi, à un moment donné, j'ai juste osé dire que s'il était repêché par les Remparts, je voudrais peut-être l'avoir à la maison. Puis juste ça, dans la famille, ça a comme provoqué deux, trois petites affaires, je dis, oh, recule de là. Je l'ai vu au tournoi Pee-wee il y a quelques années, puis j'avais dit, il y en a qui disaient, ben Romy, c'est parce qu'il traîne trop dans le coin de la rouge puis de la bleue, puis il monte sur un break, puis il y a Chris Topnet. Je dis, regarde, là, si quelqu'un te parle de la défense, là, puis de remonter, puis backer, attends, c'est pas le temps. Toi, remplis le net, c'est ça qu'ils veulent voir. C'est ça qu'ils veulent de toi. Mais tout de suite, ça, c'est le genre de commentaire. Déjà, Pee-wee Bantam, ben, il n'a pas fait de Bantam, il est passé quasiment midget dessus, midget 3. On commençait à lui parler de jouer le système, puis de remonter, puis d'aller chercher son homme. Romy, là, depuis qu'il est jeune, c'est un genre de Pavel Bure à petite échelle. C'est un gars qui s'en va dans le centre, puis il passe sa palette, puis il y a Chris Topnet. Donc, au hockey aujourd'hui, c'est plus bien vu, ça. Non, mais ça en prend, les gars, de même, si tu veux des buts de temps en temps. C'est plus bien vu. Désolé, là, dans la Ligue nationale, tous les gars qui sont de... Ça passe la gratte. Ils ne réussissent plus à se démarquer, ces joueurs-là. Martin Saint-Louis, l'exception. Pavel Bure est plus capable de jouer. Jagr est plus capable de jouer. Tous ces joueurs-là qu'on a découvert il y a une dizaine d'années, qui avait de l'espace et qui pouvait couper au centre de la patinoire, partir sur le fly, puis aller couper au net ou encore tirer du haut du... Maintenant, les coachs ne tolèrent plus ça. Ça a commencé par la Ligue nationale et c'est maintenant rendu pioui, André. Mais ça doit être épouvantable pour ce petit gars-là, alors, d'avoir été repêché par l'équipe locale à un rang de préférence. Oui, au quatrième rang, André. Ouais. Et on a fait beaucoup de pression là-bas pour qu'on le prenne, parce que c'est un produit local, mais c'est le couteau à deux tranchants. Ça va bien, ça foule l'aréna, mais quand ça va mal, c'est plate en maudit. Ils ont eu la tête à René Matt sur son cas, l'ancien instructeur. Ils ont engagé Richard, et Richard a vu la même chose probablement que René Matt. Probablement que c'est la pire chose. J'étais avec un de mes oncles en fin de semaine qui me dit, la pire chose qui pouvait arriver à Romy, c'est qu'il soit chez nous. Avec l'accent. Ouais, ben là, il y avait l'accent d'Haïti pas mal. Il arrivait d'Haïti depuis quelques mois. Il y a juste 16 ans. Son patin peut s'améliorer encore. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Il manque un petit peu de patin, j'ai l'impression. Là. Mais je ne sais pas s'il met l'effort pour aller chercher ce qu'il manque. Je ne sais pas si ça lui tente encore. On parle beaucoup d'un événement où, dans une bagarre générale, il est resté à l'écart. C'est son tempérament, ça. Ouais. Ça, c'est. J'irai pas me faire casser la gueule pour. Ben, c'est pas un idiot. Je veux pas dire que les autres le sont, là, mais d'après moi, le côté brutal du hockey, c'est pas ça qu'il tente. Pas en tout. C'est dommage qu'avec ce que tu me décris et la qualité que tu me montres de ce jeune homme, il soit arrivé trop vite à un endroit qui va être un cul-de-sac pour lui, la Ligue de hockey junior majeur. Tandis que les universités américaines auraient probablement allongé des efforts monétaires pour l'avoir plus tard. Mais il y a une chose, est sûre, je vais laisser jouer et finir la saison à Richard. Et c'est la première chose que je me suis dit. Je m'appelle Richard à la fin de la saison. Je ne veux pas montrer que je vais mettre de la marde dans le système, mais je veux le savoir après, puis il sait que je vais l'appeler. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis moi le savoir. Est-ce que ces statistiques de cette année à Romy indiquent qu'ils vont à la hauteur de son talent ou s'ils déçoivent? Non, il n'a pas joué, là. Non, il a presque pas été utilisé. Il a été blessé. Quand il a joué son. Les matchs où il a été là, est-ce qu'il a montré quelque chose? Ben dans les premiers matchs de la saison où il a joué, il a compté une coupe de but. Il est arrivé une blessure, mais même auparavant, on a vu que malgré le fait qu'il y avait une coupe de but, son temps sur la patinoire était minime. Donc, tu vas comprendre au hockey, André, tu es assez arbitré, puis tu connais assez le hockey pour comprendre qu'un gars qui joue au hockey, quand il y a quatre trios, s'il joue deux minutes par période, il ne peut jamais performer. C'est impossible. C'est un cercle vicieux. Tu ne peux pas performer. Tu dois être toujours. Le moteur doit être chaud, tu dois être en chaleur, tu dois être fringant, mais c'est pour l'être, là, faut que tu joues pour que les sangs soient chauffés. Et son frère, qui est bon aussi, est-ce qu'il est encore dans le hockey? Non, lui, il est plus vieux, lui, il est à l'université pour devenir médecin. Je parle de l'histoire triste. Hey, ça a braillé ton histoire. On n'a pas les moyens de gaspiller du talent. Ça, c'est sûr. Mais dans l'hockey d'aujourd'hui, André, désolé, hein, mais ce genre de talent-là, de joueur. Romy était parti pour être aussi gros et aussi costaud que son frère. Finalement, il semble être stabilisé à un peu plus petit, même si c'est un gars qui est fait large. C'est un gars qui est appelé à finir dans le semi-pro, comme la majorité des gars qui ont des bonnes mains. Tu sais, tu parlais de Martin Paquette tantôt, qui n'est pas loin de moi. Une des choses intéressantes à suivre au cours des deux prochaines années, ça va être son fils Philippe, qui a dit non au junior majeur, qui a failli être recruté par Chicoutimi, qui a failli être recruté par les Remparts, et qui a dit non, qui a refusé d'être recruté, et qui va probablement être, au cours des prochains mois, la vedette d'un prep school américain de la Nouvelle-Angleterre, et qui est déjà pressenti pour les meilleures équipes de hockey universitaire américain. Puis c'est un kid du séminaire Saint-Augustin, c'est un midget 3A de Québec. Je le connais, Philippe, il est le fun, puis il me fait penser à ce que tu me décris de la UB. C'est un très, très, très beau talent de hockey. Lui, c'est un défenseur offensif. Il a la chaîne en pièce d'homme. Il est capable de manger une tarte sur la tête à son père, qui est pourtant un ancien GRC. Puis, mais c'est un gars d'études, c'est un gars de performance, c'est un gars qui sert de sa tête. Et en jouant pour une organisation qui avait de sérieux problèmes cette année, ben il s'est tellement bien affirmé à faire respecter son intégrité qu'ils ont enlevé son titre d'assistant capitaine. Mais là, les universités sont prêtes pour venir le chercher. Donc, est-ce qu'il est confirmé? Est-ce qu'on va savoir bientôt l'université? Ben, je ne sais pas si on va savoir l'université, puis je ne veux pas révéler des choses qui ne sont pas de mes affaires. Je ne suis qu'un admirateur de Philippe Paquette, et c'est par Martin que j'ai beaucoup d'informations, mais j'ai cru comprendre qu'il se préparait à aller dans une grosse école préparatoire de la Nouvelle-Angleterre, qui a une équipe de hockey prestigieuse déjà, pour ensuite, l'année d'après, entrer dans une grande université américaine, qui est un leader au point de vue du hockey. Tout ça, c'est extraordinaire. Et quand on voit maintenant le nombre de joueurs canadiens et québécois qui sortent des rangs universitaires et qui deviennent dominants au hockey, prenons l'exemple de Martin Saint-Louis. Oui. Martin Saint-Louis. J'ai l'impression que Martin Saint-Louis va faire des petits bonnes mal. Il y a un aspect qui est peu connu, mais qui est peut-être pas tout à fait vrai. Mais on m'assure, mais là, je ne tiens pas ça de Martin. Je parle avec des recruteurs, des gens. Un joueur joue une game dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, perd pour le restant de ses jours le droit d'être recruté par une université américaine. C'est fini. C'est frappé. OK? Or, je crois comprendre qu'il est déjà arrivé des cas où des universités, ignorant ce fait, aient recruté des jeunes québécois et que c'est la Ligue junior majeure du Québec qui les empêche de dénoncer à la NCAA pour les ramener. Je ne suis pas surpris là. Ben, je ne veux pas te surprendre ou pas te surprendre. Là. Si, c'est, mais si ça arrive, je ne suis pas surpris. Non. Mais moi, ça, si ça, ce n'est pas de, un élevage à base d'esclavage, je veux bien savoir ce qui, qu'est-ce qu'il y en est. Puis est-ce que. Tu sais, il va falloir qu'on réfléchisse là-dessus. Là. Est-ce qu'un jeune qui a du talent et du génie va dans la Ligue junior majeure du Québec? Personnellement, j'ai déjà dit, puis je sais que ça a fait un froid chez des gens qui me sont chers, mais j'ai déjà dit que la chose qui caractérise le hockey de la Ligue hockey junior majeure du Québec, c'est l'immense majorité d'arriérés mentaux qu'on a dans les estrades. Je ne sais pas comment ils font pour attirer des gens comme ça. Je te racontais peut-être l'été dernier, à la fin de l'été, je suis à l'île du Cap-Breton avec des voyageurs qui reviennent de Terre-Neuve. Et ils me demandent de les conduire au casino du Cap-Breton pour y passer un brin de soirée. Et je suis stationné avec un autocar devant. Et soudain, je vois passer un défilé d'arriérés mentaux, de gens difformes ou de gens qui se comportent comme des débiles mentaux. Et soudain, je me dis, coudonc, ça ressemble donc bien à une foule du hockey junior, ça. C'était dans le stationnement de l'aréna. Je regarde, le casino puis l'aréna sont à la même place. Et ce soir, les Screaming Eagles du Cap-Breton reçoivent en match hors concours une équipe, je pense, de Bathurst. J'avais reconnu la foule avant de réaliser que c'était ça. Il y a un endroit au Québec où c'est pas ça, c'est Rimouski. Puis je vous dirai pas pourquoi. Rimouski, c'est mieux qu'ailleurs, parce que la dernière fois que je l'ai fait, j'y ai fait de la peine, ça ne fait pas exprès. Mais il y a quelque chose de particulier dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, dans les foules qu'on attire. Puis c'est pas tout à fait la même foule qu'au hockey senior, pas tout à fait la même foule qu'il y avait dans la Ligue nationale. C'est particulier. Il y a beaucoup, beaucoup de demeurés dans les estrades. Je ne sais pas pourquoi. Je dirais que, regarde, je peux pas parler ben, je suis pas allé à un match cette année, je devais y aller la semaine passée, puis finalement, les patentes ici et là, j'aurais aimé aller voir au moins un match, mais j'ai pas vu la foule, je peux pas te dire. Tu conduis, t'envoies, tu vas dans des arénas. Oui, sauf que comparé à Québec, là, à Québec, j'ai vu ça il y a quelques années, mais quand j'ai roulé avec les remparts à quelques reprises, en particulier à Rimouski, là, c'est spécial. À Rimouski, là, c'est vraiment l'événement en ville à soir. L'Océanique joue, puis le beau monde de Rimouski est là, puis ils sont enthousiastes, c'est du monde le fun, c'est plaisant, puis c'est spécial, Rimouski. Mais c'est quand on va comprendre que le développement du sport d'élite, ou n'importe quel sport, même le sport de masse, parce que ton sport d'élite va développer ton sport de masse automatiquement, c'est quand on va comprendre que ça passe par les écoles. On a fait une tentative dans le temps avec le collégial 3A et le collégial 2A, dans lequel j'ai joué dans une organisation collégiale 2A à Chicoutimi pendant un an, en deux années junior B. Puis je vais te dire, l'organisation était sérieuse, c'était le fun, c'était bien organisé, et à un moment donné, tout coupé. Pourquoi? Manque de fonds. Il n'y a pas de volonté là-dedans. Y a pas de... Et pourtant, c'est pas ce qui coûtait le plus cher opérer dans le cégep. Là. Quand on voit l'argent qui se gaspillent en éducation physique dans les écoles, à les faire jouer à la tag et au ballon, puis à s'organiser pour que ça soit des jeux sans compétition, pour que tout le monde soit heureux, puis on fait jouer les petits gars puis les petites filles, puis il faut que les petites filles gagnent, là. Ça, là, c'est tellement bouleversant. Un peu de budget dans le sport, parce que t'as le midget 3A au hockey qui est collé sur les écoles, mais la chose extraordinaire, c'est que c'est censé être la marche pour monter dans le junior, puis il y a plus d'équipes junior que d'équipes midget 3A. Ouais, ça, c'est bizarre. Additionnez ça, vous allez voir qu'ils ont mis la pyramide à l'envers par cupidité. Hein. Cupidité, c'est la seule chose qui explique ça. Dans les autres sports, je regarde le baseball, ça n'implante pas dans les écoles. Le football a fait un bout de chemin. L'exemple du Rouge et Or est remarquable dans ça. Ça va peut-être aspirer vers le haut les gens de qualité. Ouais, mais quand tu vas aux États-Unis, tous les sports que tu mentionnes sont traités de la même manière, d'être polyvalente. Et dans les middle school, les high school, les universités, c'est toutes les écoles qui s'occupent de ça. Puis c'est pour ça que tu arrives sur l'école, c'est marqué The Home of the Proud, the Bulldogs. Il y a quelque chose, il y a un signe d'appartenance pour toutes sortes de sports, ça brasse. Je te donne un exemple. Je vais refaire une autre indiscrétion au sujet de Philippe Paquette, qui est en train de devenir mon héros, le fils de Martin. Martin est bien ordinaire, mais son fils, c'est quelqu'un, OK? Quand je l'ai dit. il va dans une, il va probablement aller dans une école dans Nouvelle-Angleterre, passer un an d'études préparatoires à l'université. Il n'y a pas de cégep aux États-Unis, ils n'ont pas de temps à perdre. Il n'y a pas de stationnement pour les gens de États-Unis, ils veulent vite, OK? Et dans cette école, qui est sur un campus merveilleux en Nouvelle-Angleterre, il y a un édifice plus haut que les autres qui est dominé par une espèce de coupole, un espèce de clocher. Ce clocher est vitré sur ses faces tout le tour, mais à l'intérieur du clocher, il y a une lanterne rouge. Et cette lanterne n'est allumée que les soirs où une équipe de l'école a remporté une victoire. On s'en va sur la route, on va allumer la lanterne. C'est des traditions ancrées dans la... Ouais, mais on n'a pas de tradition. Non. Et cette école-là, là, existe depuis plus de 100 ans. Et ça fait 100 ans qu'il y a une lanterne dans le clocher. Cette école-là a 8 étudiants par professeur. Et ils n'ont pas de temps à perdre. Ça nous manque, cette tradition-là. Je regarde les traditions. Regarde le NCAA, le March Madness. C'est extraordinaire de voir ça. On ne connaît pas ça. On n'en a pas rien de ça. On n'embarque dans rien. Il n'y a rien qui nous attache. Même chose pour le match entre Navy et Army à Philadelphie où les F-18 et les F-16 passent au-dessus du stade puis que le stade est bien plein. Pourtant, c'est deux équipes bien ordinaires. Une fois que le sport amateur est terminé, ça se transporte dans le sport professionnel. En fin de semaine, c'était le Full 500 là, dans le Tennessee où il y a deux choses, deux activités, le NASCAR et l'église. T'as le Daytona. Tu vas avoir le Master la semaine prochaine. T'as le Super Bowl. Il y a plein d'institutions qui sont devenues... c'est de la passion, c'est des choses qui les accrochent, c'est des choses qui les font vibrer. Et nous, qu'est-ce qu'on a? Hein? Durant la guerre de Corée et durant la guerre du Vietnam, les communistes savaient que durant la game Army and Navy, les forces américaines seraient tranquilles. C'est, vous me direz que c'est fou, là, mais c'est ça des traditions qui volent. Où sont ces traditions-là dans la société? Ben, c'est le carnaval, c'est le bonhomme carnaval. C'est vrai, t'as le bonhomme carnaval. Ouais, mais ça se peut-tu que ça ne nous tente pas? que ça soit notre tradition, le carnaval? À l'Université Laval, c'est quoi les traditions d'excellence? Imagine-toi que hier, on apprend qu'il y a une professeure qui a tué son enfant l'an dernier, et quelques mois plus tard, le tribunal a décidé qu'elle était tellement folle qu'elle peut même pas être trouvée coupable de la mort de son enfant, donc on l'a retournée enseigner à l'Université Laval. La femme qu'on parlait hier dans l'actualité enseigne à l'Université Laval. Oui, et elle est retournée enseigner depuis plusieurs semaines. Elle est folle. Elle est trop folle pour être trouvée coupable de la mort de son enfant qu'elle a tué. Mais pas assez pour enseigner. Mais elle n'est pas assez folle pour enseigner à Laval. Elle n'est pas assez folle pour être empêchée d'enseigner à Laval. On en cherchait la tradition nulle. Comme tradition d'excellence à Laval, à part d'accueillir les fils de dictateurs de l'Afrique au complet, là... Ça, c'est cute, ça! La femme est assez folle pour tuer, puis elle n'est pas assez pour enseigner. Elle est tellement folle qu'elle peut pas être trouvée coupable. Elle a été trouvée criminellement irresponsable pour raison d'aliénation mentale majeure, psychose, dépression post-partum. C'est ça? Ouais. Mais là, elle est tellement bien qu'elle enseigne à Laval. Elle est trop folle pour aller au pénitencier, mais elle enseigne à Laval. Juste pas assez pour enseigner. Oui. Pas assez pour être enfermé. C'est ça. Pendant ce temps-là, Dan Bigrod poursuit. C'est ça. Parce qu'on a crampé son style créateur. Regarde, il n'y a plus rien qui s'insiste là. Ça est en train de s'effondrer. On fait une pause, il est 8h54, André. Restez à l'écoute. André Arthur vous revient de l'autre côté de la pause. Bonjour monsieur, les spécialistes de Portes et Fenêtres Québec ont tout rénové il y a 3 ans, du beau travail. Ok, on peut vous rappeler qu'ils ont... Dans 20 ans. Portes et Fenêtres Québec, des prix imbattables, la plus belle salle de montre à Québec, le système triple vert et un choix unique de couleurs garanti 20 ans. Pour une estimation gratuite, faites le 681-7799. Portes et Fenêtres Québec, du beau travail. Bonjour, c'est parce que j'ai un... Un mal de gorge. Oui, comment vous... expérience, madame. Sauf que... Vous aimez pas le sirop? Non. Il y a des pastilles très efficaces maintenant. Tenez. Merci. Ah, oh, de rien, petite chose. Votre petit... Ben oui. Juste un peu de solution saline, c'est l'idéal. Ah, ben merci. Chez Uniprix, nos conseillers santé sont là pour vous aider. Et tout est à tous les prix. Uniprix, toujours là pour vous. Vous vous posez des questions sur votre cuisine, sur votre salle de bain, et le centre de coupe Paul Deslauriers a la solution. Une équipe qualifiée, plus de 35 ans d'expérience, avec une vaste gamme de produits, dont les portes d'armoire, des comptoirs de stratifié, des comptoirs de granit, et les nombreux produits en mosaïque, comme les comptoirs, les dosserets de cuisine, les intérieurs de douche et de salle de bain. Allez voir cette nouvelle mosaïque de verre, le produit le plus hot actuellement en Amérique. Le centre de coupe Paul Deslauriers au 652-008. Un Missoui. Un bon Missoui. À tout coup, la clé d'une fête réussie. Missoui Le Chasseur vous propose son fameux jambon fumé et boucané sur place à la manière d'autrefois. Une viande tendre et juteuse que seule une cuisson lente peut vous offrir. Profitez du prix du gros sur les viandes et louez chez nous table, chaise, vaisselle et ustensiles. Du service de Missoui au party hot dog en passant par le savoureux smoke meat. Missoui Le Chasseur, c'est le maître en la matière dans Portneuf. 873-1968. On est revenu. On vlog avec un grand. Soyez patient, livre. 8h56 à Choix Radio X. On est de retour. Yeah. Ah, Dan Vigra, juste pour revenir à ça, hier, contrairement à ce qu'on m'avait dit, on m'avait laissé couler via un bureau d'avocat qui a une poursuite de Guy Cloutier qui s'en venait. Finalement, c'était Dan Vigra. Je suis un peu déçu de voir que tu ne les connais pas encore, ou tu ne les connaîtras pas non plus, mais au-dessus de nous, ici à Choix Radio X, il y a deux étages consacrés à un bureau d'avocat fort connu de Québec. Et j'ai beaucoup de peine de voir que ces gens-là, qui sont nos amis, à nous avoir déjà invité, à nous inviter également, à les inviter à venir en onde parler des choses à lesquelles elles sont associées, prendre une cause aussi faible et aussi cheap que Dan Vigra. Ouais, mais il faut aussi que les imbéciles aient leurs avocats. Ouais, mais il me semble que c'est une cause, je la lisais hier, là, c'est une cause pour... Hey, tu sais, dans les films, on voit un avocat sous long avec un vieux char 1958 dans le cendrier bien prêt dans le bureau, les livres débordent, la secrétaire a une petite jupe. Newman contre l'archevêque, là, dans le film. Tu t'attends de même, là. Tu sais, là, tu t'attends à un avocat comme ça pour une cause. Est stupide. Non, c'est un bureau qui est un bureau important, un bureau qui a une bonne crédibilité, qui s'arrête à des niaiseries. Ouais, mais tu sais, si le médecin est ton père, c'est pas parce qu'il considère nécessairement que tu avais raison de fumer puis que tu as une tumeur au poumon, c'est parce que c'est sa job de le faire. Je pense qu'en termes de droit, je connais des médecins qui ont décidé maintenant quand tu as quelqu'un, oui, il l'opère, ouais. Et quand tu vois après deux mois qu'il a commencé à fumer puis il mange gras, puis il peut dire qu'il regarde, toi, ton corps est réglé, là, on s'occupe plus de toi, on n'a pas l'autre. C'est vrai aussi. Puis il faut faire quand même attention que le gars, il s'estime vraiment léger, puis il sait que tu as des poches profondes, puis qu'il peut venir nous voir, puis repartir avec un peu d'argent, parce qu'il y a une tradition au Québec qui a été menée par les grandes compagnies de radio, c'est quand tu es poursuivi, ils font le budget de la cause. J'ai vécu ça, ça fait le nombre de fois, on me dit, ah sûr, je règle hors cours, moi je règle rien, mes employeurs règlent à ma place. Le problème, c'est que tu prends une cause, puis tu dis, on poursuit quelqu'un pour $1 million. Se défendre, ça va coûter combien? Le budget de la défense, c'est 150 000. Parfait. Fais-y une offre en bas de 100 000. S'il l'accepte, on ferme la cause. On achète la paix. Et ça, ça a été fait tellement souvent, avec des causes tellement fréquentes, que finalement, il y a comme une espèce de réputation qui circule chez les chasseurs de primes, comme quoi, regarde, poursuis quelqu'un qui va régler hors cours, puis tu vas faire un petit peu de choses si tu ne fais pas trop d'efforts. C'est peut-être ça qui arrive aussi. Dans le cas du bureau Jolicoeur-Lacasse, c'est un des plus grands bureaux à Québec. C'est le bureau où on retrouve les dossiers du Parti québécois et des personnages importants du Parti québécois. C'est le bureau qui représentait, par exemple, Alex Couture, le spécialiste de la charogne de Charny, contre le ministère de l'Environnement. Puis ça a été mené avec une vigueur incroyable, mais c'est des dossiers péquistes, règle générale, et c'est du lobbying péquiste, règle générale. qu'ils aient pris la... Je veux pas qu'on commente la, le mérite de la cause de Dan Bigra. On peut avoir l'opinion qu'on veut de Dan Bigra, mais il a le droit, comme n'importe qui, d'aller devant les tribunaux. Qu'on soit un peu triste de voir le bureau prendre des causes comme celle-là, je te comprends, mais c'est les libéraux qui sont au pouvoir, il faut qu'ils vivent. Oui, c'est ça, ils ont moins de contrôle. Mais le plus odieux là-dedans, André, c'est que Bigra ne se respecte même pas. Juste à penser 15 secondes à ceux qu'il connaissent par le biais des médias, là. Parce qu'il a dit lui-même dans Poursuite qu'il est un artiste reconnu, de grande valeur. Où est le gars du quartier Saint-Henri? Où est la camisole blanche qui a vécu le désastre de la rue, la mort de son frère, ses passages à Bertenay connus avec d'autres personnes de Montréal? Où est le gars dur qui a vécu la dope, qui a avoué publiquement avoir fait des erreurs à ce chapitre-là, qui a arrêté? Où est le gars rock qui s'occupe des sports full contact, puis du kickboxing? Où est le gars tough qui soudainement est offensé parce que quelqu'un a dit des choses sur lui? Ouais. C'est très décevant. Effectivement, tu peux avoir ton opinion sur Bigra, qui ressemble beaucoup à la mienne aussi, qu'on lui ait montré des choses qu'il n'a pas aimé entendre. Mais tu sais, c'est un droit fondamental d'aller devant les tribunaux. Je questionne la civilité du geste d'aller dans nos maisons nous livrer hier des papiers de huissier quand ils savent très bien qu'on a des numéros de téléphone, les huissiers, puis qu'ils n'ont rien qu'à nous appeler, puis on va s'organiser pour les accommoder. Qu'ils soient entrés dans ma maison hier pour aller porter un document que je trouve ridicule moi aussi, ça me blesse. Je pense que c'est un geste que ces gens-là font parfois consciemment. Un huissier m'a déjà dit, M. Arthur, j'aurais bien aimé aller vous le porter au poste de radio, mais le client a exigé que je vous écœure à la maison. Oui, ça, on entend ça souvent. Ah, bon. Ça me permet aussi de voir un petit move que j'aime pas. Mais la qualité de Bigra, moi, c'était son œuvre. Et c'était le fait que, si tu relis les transcripts, c'est qu'on a essayé de montrer aux gens, vous l'aimez pas Bigra, vous n'aimez pas Canadian Tire, pas de problème, allez chez Walmart. Vous aimez Bigra, allez-y chez Canadian Tire. Mais il s'est montré tel qu'il est, en disant qu'il va tuer le président si des enfants meurent, comme si c'était les siens. Puis c'est un geste que nous autres, on a trouvé abusif, puis que lui, il ne trouvait pas abusif. Puis, oublie pas qu'on est allé contre... La rectitude politique québécoise. On a été pro-américain. Oui, c'est ça. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on paye plus facilement. C'est peut-être plus facile de nous poursuivre. On est un petit groupe. On n'est pas nombreux, puis on n'aura pas grand monde pour nous défendre. Puis même le gars du conseil de presse va venir témoigner qu'on est sur une radio poubelle. Puis ils vont dire, ah ah, les poubelles! Alors, moi, je suis content, je suis devenu ami. En tout cas, on se connaît. Mais je suis ami de penser maintenant avec Franco Nuevo, Normand Provencher qui dénonce la cigarette ce matin. Franco Nuevo qui avait un texte succulent sur Robert Gillet en fin de semaine. Donc mes ennemis deviennent mes amis. Donc la vie est belle quand même. Et je vais essayer de convaincre Dan Bigra. Ah, que c'est gentil de penser comme ça. Effectivement, j'ai l'impression qu'un des effets du verdict Gillet et du Golden World Tour qu'il a entrepris, la passion du Robert, c'est je vois des gens changer d'attitude au sujet de ce que l'on fait depuis un an. Ben oui, d'un coup, effectivement. Ben. Coudon, si vous ne l'aviez pas fait, peut-être bien qu'on n'aurait pas parlé. Coudon, si vous aviez lâché, peut-être bien que ça serait mort. Puis là, il nous reste le dossier des juges qui ne savent pas avec qui manger. Il y a une autre affaire au sujet des juges. Hein. On a parlé de la proximité de Robert Gillet avec beaucoup de juges. J'aimerais ajouter un autre élément. Quand il est arrêté par la police, au mois de décembre, le 18, c'est sa dernière émission. N'oubliez pas qu'il a fait une émission après son arrestation. Oui. Le 17, quand il est arrêté, il est conduit au poste de police. Et quand il téléphone pour avoir l'aide d'un avocat, il n'appelle pas François Larochelle. Il n'appelle pas. Je m'excuse, François, je connais François Larochelle, un arbitre de hockey. Il n'appelle pas Jacques Larochelle. Il n'appelle pas non plus Suzanne Gagné. Il appelle le bureau Vézina Pouliot. Le bureau qui a toujours, avec qui il a toujours été proche. Le bureau d'un juge qui est son ami. Le juge Vézina est aussi un ami proche de Robert Gillet, quelqu'un avec qui ils ont des liens d'amitié qui ne datent pas d'hier, puisque dans le temps où le bureau Vézina Pouliot était l'avocat de Robert Gillet, c'était dans le temps où le juge Vézina allait devenir juge. L'avocat Vézina est devenu juge, mais le bureau qu'il appelle à son secours quand il est avec les policiers, c'est l'ancien bureau d'un juge de ses amis. On est dans un monde relativement... Ça implique rien d'incorrect au sujet de son honneur, le juge Paul Vézina. Ça vous démontre juste l'étrange tissu de il y a autour de Robert. Ta proximité. Oui. Talent. Talent. Merci, André. On se rejoint demain. Merci à toi de m'avoir fait comprendre les dessous étonnants du hockey des Beluets. Le tome 2 s'en vient. Il y a juste toi qui pouvais faire ça. Le tome 2 s'en vient après l'élimination des Sags. OK. Salut, Ben. Salut.